plein de beaux cratères. On est coincé sur la terre, même s'il reste des mystères. J'ai envie de m'extraire, repu avant qu'on m'enterre. La fusée tremble, s'élance. Les herbes de la prairie dansent. Je traverse les nuages, des songes voyagent. Je m'entraîne dans leur sillage. L'espace tout autour. Beau comme un amour. Peut-être encore un peu être avant de disparaître. Le soleil brûle fragile. Derrière le hublot tranquille, la galaxie tourne, l'univers se retourne, des fleurs grises y séjournent. La fusée vole silencieuse, les planètes sont impérieuses, je traverse des criasses, des songes, des muqueuses, la vie serait donc heureuse. L'espace tout autour. Beau comme un amour. Peut-être encore un peu être avant de disparaître. Les airs de la prairie dansent, je traverse les nuages, des songes voyagent, m'entraîne dans leur sillage. L'espace tout autour. Beau comme un amour. Peut-être encore un peu.